Le musée révolutionnaire du Centre de création artistique Mansoudé est inauguré le 10 courant. La cérémonie d'inauguration a eu lieu devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il au Centre de création artistique Mansoudé. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés, le personnel du centre et les méritants. Les participants ont déposé une corbeille de fleurs devant la statue en pied du général Kim Jong-il, érigée dans le hall du musée révolutionnaire du centre. Au musée, on voit la statue en couleur du général, les photos et les instructions des grands hommes, un millier d'objets d'intérêt historique exposés par ordre chronologique et selon le contenu.